Vous savez, aujourd'hui, mes chers amis, on a une petite tempête québécoise, tempête de neige, mais on a eu tout un vent libéral qui a soufflé sur l'île de Montréal également. Il n'est pas facteur, il n'est pas sondeur, il n'est pas chef du Bloc québécois, donc il a encore de l'avenir. Voici votre animateur, Jean-Philippe Beausé! Oh! Hey! Bonsoir tout le monde! La foule est réchauffée à soi. Eh bien, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous laisser amplement le temps de relire tous les romans du nouvel académicien Danny Laferrière. Fred Savard, bonsoir. Eh, hey, bonsoir. Dis-moi pas que Danny va être coach à Star Academy. C'est donc bien de nouvelles, ça. Ben non. Hein? Il va devenir un immortel à l'Académie française, ce qui est pas rien. Qu'est-ce que ça fait, un immortel de l'Académie, à part pas mourir? Oui, bon. Non, mais c'est sérieux, en fait. Ça fait des réunions pour continuer le dictionnaire de l'Académie. Okay. Ça, c'est pas une blague. Hein. Okay. Ils l'ont commencé au début du 17e siècle et ils sont rendus à la lettre R. Oh, boy, boy. Ça doit être pour ça qu'il faut être un immortel pour rentrer là-dedans. Oui, c'est long. Mais il prévoit se rendre à Z pour 2800-2850. Ah, ouais. Non, mais c'est du long terme. Mais avec l'arrivée de Danny, hein, t'es un haïtien. Fait qu'ils ont repoussé ça à 3000-3500. Non, mais ils prennent ça relax. Ah, mais... Nous autres, on est tellement stressés, ce qui fait fret, il n'y a pas de presse. Hein. Non, amis, puis il y a de quoi être fier, notre Danny, hein, franchement. Il va faire des réunions avec Maurice Druon. Hein? Jean de la Fontaine, Corneille. Ah oui, le chanteur. Non, l'oiseau. Ah. C'est une niaiseuse. Sinon, toujours dans le domaine des lettres, hein? Il y a le Parti conservateur qui a annoncé, juste avant de partir en vacances, la fin de la distribution du courrier à domicile et la suppression de près de 8000 postes à Poste Canada. Ah, dis-moi pas que je pourrais plus dire à mes créanciers que le chèque est dans mal. Ouais. Vous aurez juste à dire le chèque est dans le casier postal. Ah, c'est OK. Moins, mais pas de blague. Qui c'est qui va me livrer ma pub 3 pour 1 chez Farah? Ah oui, hein? Pis ça, on veut pas le perdre, ça. Hein? Non. Mais il va rester des publisacs, Fred. Ouais, OK. Puis mon compte Hydro-Québec, qui c'est qui va me l'amener, mon compte à moi? Inquiète-vous pas. Mon avis, ils vont trouver une façon que vous l'envoyez pour être sûr de ça. Parlant de compte, il y a l'animatrice Dominique Poirier hein, qui a trouvé le sien en étant nommée déléguée générale du Québec à New York. Ah hein? Ouais. C'est quoi ses compétences pour ce poste-là, Dominique? Ben, les mêmes que Boisclair. Okay, ouais. Je sais pas, là, c'est... C'est quoi la compétence de Boisclair? Là, tu... Ouais, je sais pas, faudrait demander à sa femme, je sais pas. La femme de... Ah ben là! Vous me posez une colle, là! Quelle sorte de colle? Ben je sais pas, là. Hey! La même que Boisclair va sniffer dans le Nord. Voyons donc, je sais pas, moi, là. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que la Poirier, là, elle va avoir des grosses chaussures enfilées. Oui. Hey, puis pas des chaussures cheap non plus. Non. Ça, c'est du cuir italien, cette cuir-là. C'est pas de la cuirette? Non, ça sera pas facile. Faudra demander des trucs à Monsieur Truc. Monsieur Truc, hein? Ben oui. À l'après-midi porte-conseil. Il était-tu bon, lui? Oui, bien visiblement, personne ne s'en rappelle. Non. Moi, je lave les fenêtres avec du vinaigre, grâce à lui. Hey, c'était-tu bon, cette émission? Ah. Non, mais il était très bon, lui. Je sais pas qui c'est qui faisait ça. Toujours est-il qu'on n'a même pas parlé des élections partielles de lundi. Ouais, ça a été quand même quelque chose, ça. Mais là, franchement. Ouais. Ben là, Philippe Couillard a amené une belle bagarre, hein? pour finalement l'emporter dans Outremont. Ben là, belle bagarre, il n'y avait même pas d'opposition. Ben, il y avait quand même des candidats d'option nationale, puis de l'autre parti, là. Voyons, Orange Solitaire, là. Ben là, franchement. C'est des quantités négligeables, ça, voyons donc. Des quantités bagarre. Négligeables. C'était pas la CAQ, quand même, voyons donc. Hey! La CAQ. Non, mais pas de blague. La CAQ, on finit derrière Option nationale dans Vio. Ah oui. Ils ont battu la marge d'erreur juste de ça. Là, ouais. En fait, c'est niaiseux, mais on le sait pas parce que la marge d'erreur a demandé un recomptage. Ah ouais. Le suspense, quoi. Ah, ça continue. Sinon, quoi d'autre? Ben, on n'a pas beaucoup parlé de l'UPAC qui a fait une perquisition chez la sœur de Marc Bibeau, qui est un grand argentier du PLQ. Ouais. Quand même, hein, ça, c'est pas... Ben là, je te gâche, les sondages sont encore à 35 % pour le PLQ. Non, 37. Ah. Mais en même temps, c'est juste sa sœur. C'est vrai. Et ça veut rien dire. C'est vrai. Faut pas faire de lien inutile. Prenez la sœur de Mom Boucher, là. C'est un chic type. C'est un chic type. Ouais, non, faut pas faire d'amalgame. Non. Parlant de chic type, il y a Crop et Léger hein, qui ont sorti leur sondage de l'appui à la souveraineté québécoise cette semaine. Ah, c'est, mon Dieu, dites-nous vite les résultats. Nous ne nous en pouvons plus. Je le sais. Moi-même, je capotais. Mais ça varierait entre 44 % selon Crop et 33 % selon Léger Marketing. Ah ouais, ben, pourquoi une si grande différence entre les deux? Ben, je pense que Léger Marketing a demandé à Mario Morani et Crop non. Ah, voilà. Que c'est, okay. C'est ça que... Ben, c'est pas un gros échantillon, hein? Ben, en tout cas. D'ailleurs, parlant de la souveraineté, écoute, il y a Jean-François Lisée qui prétend que le Canada est devenu comme un corps étranger au Québec. Ah ouais? Oui? Il se base sur quoi pour dire ça? Ses impressions, je pense que c'est suffisant. On le reçoit pas ce soir. Hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas une impression, il est vraiment là. Ouais, ouais. Hey boy. Parlant d'impression, hey, non, mais paraît ça, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est pas une blague. Uh-huh. Paraît qu'il y a un gros problème de circoncision à Montréal. Ah, c'est ouais? Pas une blague, oui. Là, j'imagine que. J'imagine non, c'est, mais que vous riez, mais c'est vrai. 31 circoncisions bâclées. Ben, hey. J'imagine que ça ne touche que les musulmans et les juifs. Maudite charte! Ah, ben ça c'est dur à dire. On n'a pas retrouvé les prépuces. Ah non? Non. Ils courent toujours. Oh boy! Il y a des glands qui doivent être inquiets? Ah. Humour social! C'est ça qu'on oublie souvent. Hein? Mais heureusement, nos invités de ce soir ne courent pas. Ils sont avec nous en studio. Je ne pas. On reçoit tout d'abord le suprême ministre Jean-François Lisée. Ah oui! On est très contents de le recevoir. Bon, ben les gens sont heureux de le recevoir. Nous aussi. Est-ce qu'il va nous chanter des beaux cantiques de Noël comme dans la vidéo du PQ? Ben non. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas sur la vidéo, si je ne me trompe pas. Vous n'étiez pas là, M. Lisée. Hein? Non, c'est ça. Faut pas l'accuser faussement. Non, c'est vrai. Il préfère chanter en solo, je pense. Oui, j'imagine. Mais sinon, on reçoit également le comédien Marc Messier. Hein? Oui! Une légende au Québec. Avez-vous vu Brou? Ah non, j'attends les critiques. Ah ouais? Je vais pas me garrocher. Moi, je l'ai vu à 12 ans, j'ai pas pris de chance. Ah, c'est vrai? Ouais. Dans le temps des théâtres à 6 équipes, ouais, j'imagine. Vous étiez même pas né? Non, c'est clair, j'étais pas né, je suis né avant hier, Fred. De toute façon, j'aurai le temps de l'avoir avant mes 60 ans. Je l'espère parce que la soirée est encore jeune. Ouais. Olivier! Oui, les Internet. Gens. Oui, ah ben oui, Internet, c'est ça. Ben les oui. gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir que Philippe Couillard a félicité un certain Danny Lafrenière sur Twitter pour son entrée à l'Académie française. Ouais. Hey, Hector Hugo a dû se retourner dans sa tombe. Ouais. Maintenant, M. Wattier, on passe au courrier des auditeurs. Ben d'abord, on a un certain Jean-Philippe Cipriani qui demande « Est-ce que le courrier des auditeurs va se poursuivre quand même lorsqu'il n'y aura plus de facteurs? » Ben, inquiétez-vous pas, mon bon Jean-Philippe, on va installer des petites boîtes dans le coin de notre page Facebook, là, puis tout va bien aller. Bon, génial. Enfin, on a Richie qui veut savoir si on va faire un spécial de fin d'année la semaine prochaine à 19h. Ben, c'est drôle, mon Richie, c'est exactement ça qu'on va faire. Ah. Ça va être comme le bye-bye, mais avec pas Véronique Cloutier, alors ne manquez pas ça. Ben, merci beaucoup, Olivier. Allez, Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, ça va très bien vous-même? Ah, très, très bien, mais je suis un peu déçu, par contre. Honnêtement, ah oui? Là, ah oui, comment ça? Mais je compte recevoir aujourd'hui, vous vous en doutez probablement, la petite Dominique Poirier, pour qu'elle nous parle évidemment de son nouveau poste de déléguée générale du Québec à New York. Eh bien oui, vous la connaissez bien, Mme Poirier, en plus. Oui, absolument, absolument. J'ai travaillé avec elle ici, à Radio-Canada, pendant quelques années quand même. Mm-hmm. Bon, évidemment, ça fait un certain temps. En fait, ça fait tellement longtemps que, écoutez ça, Jean-Philippe, vous allez rire. Oui. À l'époque ici, Radio-Canada Première s'appelait la première chaîne de Radio-Canada. Voyons, hey, c'est pas d'hier, ça. Voyons. Donc, c'est donc bien un nom débile pour une station de radio, ça. L'enfer, Jean-Philippe. Eh boy. Et puis Mme Poirier, toujours. Ben, c'est ça. Honnêtement, j'ai travaillé avec elle et je garde d'elle un excellent souvenir. Mm-hmm. Mais est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas? Non! Elle a refusé la soda. Ah ben, la maudite! Oui! Puis je suis pas mal fâché qu'elle a refusé, honnêtement, Jean-Philippe. Je pense que ça y est monté à la tête pas mal vite. Hey! Je pense qu'elle a oublié qu'il y a à peine 2 ans, elle animait encore une émission de tampons pis de bouculottes. Oui. Hey! Oui. Jean-Philippe, c'est pas impossible que je sorte ces vieux squelettes pendant l'émission, qu'elle nous poursuive, que Lisée doive la congédier la fin de l'émission, fait que ça sera pas plat. Oh, le bel esprit des fêtes, Jean-Sébastien. Mais vous allez avoir qui en entrevue, finalement, là? Ben, c'est ça, une chance. Hein, je m'étais prévu un plan B. ministre va être la candidate péquiste des faits lundi dernier au partiel provincial d'Anvillon, Mme Tania Lompré. Oh boy, un plan B, mon Dieu, je dirais plus un plan V. Non, attention, Jean-Philippe. En fait, elle a tenu des propos très embarrassants, souvenez-vous, sur le PQ, sur son profil Facebook. Oui. Elle a dit, entre autres, à quelqu'un qui lui posait la question, oui, on devrait retirer le mot juif dans l'appellation hôpital juif de Montréal. Fait que ça sera pas plate, ça non plus. Ah, oh, mon Dieu, qu'on a hâte, Jean-Sébastien, merci beaucoup. À tout de suite. Fred, notre premier invité. Pluriministre, il est dépeint comme un intellectuel de haut vol, mais depuis qu'il est élu, certains trouvent que ça ne saute pas toujours aux yeux. Accueillons quand même M. Jean-François Lisée. Jean-François, M. le ministre. Jean-Philippe, monsieur l'animateur. Je vous offre une bière. Ben, pourquoi pas? Hey, parce que c'est le temps des fêtes, là. La soirée est encore un peu jeune pour ça, non? Non, hey, mon Dieu, c'est bien. Pendant la pratique, tantôt. Oh boy. Pendant la pratique, je m'en suis ouvert une. Je me suis rendu compte qu'il était midi et quart. Ah! Fait que, okay. Moi, je suis bien gros sur l'alcool, là. Bon. merci beaucoup, beaucoup de venir nous voir, Jean-François. On est très contents parce que, bon, ça vous arrive pas souvent de faire l'actualité, mais cette semaine, j'avoue que je sais pas. Je me retiens. Je sais pas par quoi commencer. Okay. Alors, je vais y aller tout de suite. Le cancer. Cancer? Vous avez le cancer? Non! Non? Moi non plus, là, portez pas de rumeur, ça se peut que ma mère écoute. Là. Maman, je vais très bien. Oui, non. Je n'ai aucune maladie, aucun corps étranger ne gruge mon système. Ben, vous avez même pas le Canada qui vous fait du tort, là. Ah, le Canada me fait pas de tort à mon moi, mais il fait du tort à mon nous. À votre nous? Ben oui. Et mon Dieu, qu'on est dans le... Regarde, Jean-Philippe, juste pour dire, là, quand on parle du Canada cette année, là, on dit, bon... Ils veulent pas reconstruire le pont qui leur appartient sans nous le faire payer deux fois, comme citoyen, puis comme contribuable, puis comme péage. Là, nous autres, on aimerait ça garder notre registre des armes à feu. Il faut aller en cours pour qu'ils ne détruisent pas notre registre des armes à feu. Ben oui, je comprends. Si vous voulez continuer à changer votre fusil d'épaule constamment, c'est pas ça. Mais il faut l'enregistrer deux fois, une fois par épaule. C'est ça qui est à nous. Là, nous autres, les fonds de travailleurs, là, on aime ça, ça investit partout au Québec. Là, ils veulent scraper ça. Je comprends. Écoute, même le conseil du patronat leur demande de ne pas scraper ça, puis ils veulent le scraper quand même. Ils font des réformes d'assurance emploi en région. Ça est en train de... Je veux dire, la liste est longue. À chaque fois qu'on parle d'eux, puis même, bon, moi, je m'occupe des affaires internationales, on a plein d'organismes de coopération internationale en Afrique et ailleurs. Le Canada est en train de couper leur budget. Les gens mettent des gens à pied. Là, vous ne faites pas de lien entre le décès de Mandela et M. Harper, toujours? On a mis un homme là-dessus. Ah ouais. On a mis un homme c'est là-dessus. Ça, là, c'est un coup, ça. Mais donc, on se rend compte que quand on débat de notre avenir à nous, sur notre politique économique, l'électrification des transports, toutes ces choses-là, personne ne dit « Oh, mais qu'est-ce qu'ils pensent les Ontariens de ça? Puis est-ce que les Albertains pourraient nous donner un conseil? » Non, on discute entre nous, entre Québécois. Ça va bien, la souveraineté. 33%, ça vogue. C'est une semaine 33, une semaine 44. Oui, ça dépend du sondage. Il y a de l'élasticité dans l'intention de votre souveraineté. Mais là, vous prenez... j'imagine que vous prenez le sondage à 44% quand vous... Moi, je les prends tous et j'en prends aucun. Ce que j'expliquais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Additionner, ça fait 77. On est déjà à 77. Et là, il y en a un qui va sortir avec 22 la semaine prochaine. Ah, mon Dieu, fait qu'on est quasiment à 100%. Dès qu'on a 100, on déclenche. Dès qu'on a 100. Mais justement, c'est intéressant parce que les journalistes, ce jour-là, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on commente le fait que ça soit passé de 33 à 44. Puis moi, je ne voulais pas commenter ça. Puis je disais, écoutez, les variations d'intention de vote souverainiste, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la tendance lourde. Puis la tendance lourde, c'est que... Lourde. Il y a des tendances qui sont lourdes. Ah oui. Je sais qu'ici, vous faites plutôt dans le léger, dans la tendance. Mais il y en a... On a le pesant différent. Il y en a qui sont lourdes. Ouais. Et la tendance lourde, c'est que, justement, les Québécois se sentent de moins en moins Canadiens et ne se définissent pas comme des Canadiens. C'est ce qu'on appelle la décanadianisation du Canada. Puis, savez-vous, de l'autre bord, c'est la déquébéquisation du Canada. Alors, nous, on se décanadianise, eux autres, ils se déquébéquisent. À un moment donné, on va être séparés, on s'en sera même pas rendu compte. Mais on va se rendre compte qu'on s'entend tellement bien dans cette mésentente-là qu'on est tous bien de rester ensemble. Là. Ben, c'est parce qu'on... Tu sais, un couple passionné, des fois, ça s'aime, des fois ça se déteste. Ouais. Là, on est dans l'indifférence totale. On est dans l'indifférence. Parfois... C'est agaçant, c'est irritant, mais il n'y a plus de passion, ni dans un sens ni dans l'autre. Ben, ça, c'est la dernière phase du couple. Là. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, ben moi, ça va tellement bien. D'accord. Sais, okay. Mais on en reparlera plus tard, peut-être. Oui, parce qu'il y a des rumeurs, il y a des rumeurs d'indifférence. Mais non partagée. Ouais, c'est la pire situation. Ben non, je le sais. Faut mais que tu t'en sortes, Jean-Philippe. Noël s'en vient, je ne veux pas en parler. Mais on va parler de quelque chose qui va assez bien, par exemple. C'est vos nominations comme délégué général du Québec à New York. Ça, c'est assez. Ça a été une belle année pour vous, ça. Oui. On va rapidement... Cette année, 100% des nominations en 2013 pour le poste de délégué général à New York ont été des francs succès. C'est vrai. Mais c'est des petits mandats, hein, j'ai remarqué ça. C'est des mandats courts. Alors, écoutez, là, justement, j'ai écrit mes cartes de Noël aujourd'hui, puis j'ai écrit une carte de Noël à Jacques Duchesneau. Ah! J'ai dit, celle-là, touche-y pas. Okay, ouais. Veux-tu me la laisser tranquille? Parce qu'on a quelqu'un de bien, quelqu'un de prestance. Puis là, à un moment donné, vous aviez juste à nommer quelqu'un de bien au début. Il va dire, ben oui, mais c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on avait fait. C'est mais là, il a dit, regardez, de ce côté-ci, il y a un contrat. Là-bas, il y a de la cocaïne. Faites les liens. Ben, on les a fait, en tout cas. Bon, alors là... Ouais. Mais là, on va en parler justement de ça, parce qu'avant de parler de Mme Poirier, on va parler d'André Boisclair. Je pensais qu'on avait commencé à parler de Mme Poirier. Oui, non, mais c'est juste pour c'est pour nous ouvrir André. on va en parler parce que André Boisclair, honnêtement, on a de la difficulté à suivre. Parce qu'il nous semble, et là, je parle vraiment de gens qui suivent les médias et qui lisent les journaux, mais il nous semble que depuis la nomination d'André Boisclair, ça ne fait que du tort au PQ. Hein? Ben évidemment, il y a eu quelques erreurs quand vous lui avez donné sa permanence à la fonction publique. Ça a un petit peu choqué les gens. J'ai remarqué ça. Oui, ben comment ça se fait que vous lui avez donné au début? C'est un sacré négociateur. C'est un très bon négociateur. Où il y a des photos de membres du gouvernement tout nus, là. Il y a quelque chose Non, parce que là, je veux dire... J'écoute, il y avait des photos d'un membre du gouvernement tout nu. C'est le sien. Et c'était lui. Tu voulais me parler de Dominique Poirier? Non, pas encore. Okay. Je suis encore avec André parce que, bon, là, vous l'avez ramené. En fait, il s'est ramené lui-même. Ouais. Et là, vous l'avez envoyé à la Baie James. Oui. Ne me dites pas que c'est pas... C'est pas quoi? C'est un petit peu méchant. Pourquoi? Vous vouliez le poste à vous, pour vous? Ben non, mais je dis à la Baie James. Il y a sûrement quelqu'un, je sais pas, moi, qui peut faire de... Voyons donc, Baie James, c'est pas fin, ça. Les gens se battent pour monter là. C'est-à-dire? Parce que les salaires sont élevés. Ben, les salaires, le sien. Le sien. C'est ce que je dis. On dit la même chose. Mais parce que là, ça fait quand même... presque le double, sinon le double de l'ancien, de la personne qui occupait son poste avant. Il va travailler deux fois plus fort. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Ben voyons donc. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Qu'est-ce que j'en sais? C'est André Boisclair, toujours bien le bout du viage. Il fera pas des semaines de 85 heures. Non, mais comment vous faites pour justifier un salaire à 175 000 $ pour une job à temps partiel dans le Nord? Bon, on essaie même pas. C'est je ne sais même pas. C'est parce que c'est pas le cas. D'abord, je vais te répondre sérieusement parce que tu me poses des questions sérieuses. Mais je sais bien. Bon, alors nous, on a signé avec ce gars-là un contrat de 3 ans à 175. C'est ce qu'on paie les délégués généraux. Ouais. Dominique Poirier, c'est ce qu'il va avoir. Et vous, je vous nomme la semaine prochaine à Ulaanbaatar. C'est ce que vous aurez aussi. Ben moi, je suis journaliste à Radio-Canada. Ça serait tout une drame de devenir délégué. Ben, mais ça. Plan salarial, là. Alors, et donc, on a un engagement envers lui de 3 ans. Okay. À ce salaire-là. Donc, nous continuons notre engagement. C'est pas de notre faute. Il n'y a pas de plafond salarial dans votre équipe? C'est le plafond. Il est au plafond. OK, c'est ça. André Boisclair est au plafond. OK. Bon. Madame Poirier, là, vous allez m'expliquer les liens. Parce que là, on comprend M. Boisclair, qui est un ancien élu, un ancien chef. Là, Madame Poirier, comment ça se fait? Ils sont où les liens? Il me semble que c'est-tu partisan? C'est partisan, c'est Jourdain. C'est pas assez partisan pour vous, c'est ça? Non, mais en fait, les liens sont pas assez clairs. On va le découvrir dans les prochaines semaines. Non, mais tout de suite, je vais vous le dire. C'est parce qu'on a vu qu'elle avait été choisie par les libéraux pour animer la course au leadership du Parti libéral. Oui. C'est vrai, ça. Oui, il paraît que ça passait à TV. Il n'y a pas grand monde qui a suivi. On a trouvé des archives de ça. Et on s'est dit... Par accident. On s'est dit... Puis là, c'est pas elle qui dit ça, là. Non, c'est moi, vous, je là. Déduis, je déduis. Compte tenu du nombre d'inepties qui ont été dites pendant qu'elle animait, elle a gardé son calme. Ouais. C'est une diplomate extraordinaire. OK. Fait que supposons que vous ne me racontiez pas de bullshit. ça serait quoi la vraie raison et le vrai lien entre Dominique Poirier et le PQ? Parce que ça nous a tous surpris. Oui. Ben, c'est quoi le lien? Ben, le lien, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui vous a marqué? Pourquoi vous avez pris Dominique Poirier? Il y en avait plein d'autres. Parce que là, ce que ça fait, c'est que on pense à Radio-Canada encore pour un nick à péquiste. Ouais! Les gens disent ça. Un autre ancien journaliste en bas. Ça vous nuit énormément. Énormément. Énormément. Plusieurs partis ont. Et ça va peut-être vous arriver un jour si vous atteignez une certaine notoriété. Demande à des gens. Vous devriez faire de la télé, Jean-Philippe. Vous savez, une émission écoutée, là, peut-être que. En tout cas, ça, je vous fais. Moi, c'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. C'est un peu comme vous, d'ailleurs. Ah, je pensais que vous me disiez que c'était pas dans vos plans. Mais à un moment donné, des gens sont approchés pour se présenter. Ben, puis Dominique Poirier, quelqu'un de grande notoriété, de grande crédibilité, qui se présente bien, une bonne communicatrice, avait été approché par les libéraux et par nous, peut-être par d'autres, je ne sais pas, et a toujours dit non. Mais après notre élection, il y a près d'un an et demi, elle nous a signalé qu'elle voulait servir l'État québécois à une fonction ou à une autre. Ben. Et lorsque... Ben, voici, c'est le même, ça marchait. Ben oui, il y en a beaucoup qui s'offrent, qui ne sont pas appelés. Hein. Mais on dit, oh, voilà quelqu'un de qualité, voilà quelqu'un qui pourrait effectivement jouer un rôle important pour le Québec. Est-ce qu'elle va être meilleure que André Boisclair? Et lorsque... C'est trop tôt pour le dire. Parce que André faisait une job exceptionnelle à New York. Ça, moi, j'étais très fâché de la situation créée par Duchesneau et Legault. Et j'espère qu'ils vont perdre leur procès, puis qu'ils vont payer 200 000 $ puis qu'ils vont payer de leur poche leurs frais d'avocat. Oui. Parce que c'est quand même extraordinaire. Ils ont demandé à l'Assemblée nationale 32 000 $ pour payer leurs frais d'avocat pour se défendre pour la diffamation qu'ils ont fait eux-mêes. Ça me révolte. Mais c'est de bon cœur qu'ils ont fait ça. Hein? Oui, je pense pas qu'ils aient fait ça de façon... Alors je dois dire qu'André Boisclair a pris une situation où il y avait les relations politiques entre le Québec et le bureau du gouverneur à New York s'étaient dégradées sous Charest. Arrêtez donc. Et il était en train de le rétablir et ça allait très bien. Et moi, j'ai été très déçu. Est-ce que vous avez un rapport de ça? Parce que j'aimerais ça le lire un jour. Ben, écoutez, justement, hier, le lieutenant-gouverneur de New York était à Montréal. On lui a présenté Dominique Poirier pour préparer la première rencontre entre le gouverneur de New York et le premier ministre du Québec depuis 6 ans. Arrêtez donc! Oui, ça, c'est du travail qu'André Boisclair a fait et qu'on a continué et que Dominique va continuer. Est-ce que c'est un fan de l'après-midi porte-conseil, le lieutenant-gouverneur de New York? Ou... Je ne suis pas sûr que son français soit assez bon, mais Monsieur Truc, je suis sûr qu'il en pense. Jean-François, vous restez avec nous, hein, parce qu'on peut pas. Oh, ben, j'espère. J'ai un avion à prendre. Oui, je sais, mais il est trop tard. Vous êtes arrivé en retard un petit peu, fait que vous allez payer pour ça. Vous restez avec nous, hein, quand même. Ben, j'ai tellement de sujets que je n'ai pas eu le temps de parler avec vous. Ben, oui, Pont Champlain. Je sais. Est-ce que Denis, vous l'aimez, Denis Coderre? Oui, hein? On s'entend très bien. Bon, mais parle-moi de ça. Moi, je trouve que depuis que Denis Coderre est arrivé, c'est comme si la personnalité de Montréal avait pris du coffre et avait pris de la... Ben non, mais... Okay, vous voulez dire, j'aurais pas dû dire comme si. Ben non, okay. Et je trouve qu'au moins, en 48 heures, on est devenu à égalité avec Québec, avec Régis Labeaume, en termes de présence. Ben, on avait un maire, tout d'un coup, c'est spécial. C'est ça. Mais oui. Ben moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle que maintenant, on a un maire qui pèse dans la balance. Moi, les blagues d'apparence physique, je trouve pas ça tellement drôle. J'ai même pas pensé à ça. Les gens sont susceptibles. Ben non, je sais. Étranger, hein? Non, je sais. Prenez un petit break, il faut que j'envoie une autre affaire. L'émission n'est pas finie, ça n'est pas bien long. Okay. Il est de retour avec tout ce qui se passe depuis le décès de Nelson Mandela. On a bien hâte de l'entendre. Oui. Allons écouter un peu de notre ami de chez Radiovision, le 14h30 AM. Écoutez Radiovision Locato Strat AM. J'ai tiré un microphone en berne, comme la console de Gladys aujourd'hui, afin de souligner humblement la disparition du plus grand être humain que la Terre ait porté, Nelson Mandela. Madiba, grand libérateur, non seulement des peuples africains, mais de tous les Noirs victimes de l'ostracisme, de la majorité blanche, et c'est rare que je sacre. Mais ça, c'est du monde en crise. La cérémonie animée par un cousin de Grégory Charles, était grandiose. Tous les grands politiciens du monde étaient là, Obama, Castro et même Kim Campbell. Mais il y avait un grand absence et funérailles. Et cette absence fait d'autant plus mal que ce sont des gens que nous respectons au Radiovision le 14 Stratam, et je parle du Parti québécois, qui n'a pas cru bon envoyer qui que ce soit pour démontrer que le Québec n'est pas du côté de l'apartheid. On aurait dû envoyer le seul noir de l'Assemblée nationale, le ministre Makakoto. Encore une fois, la négritude est bâillonnée. Il faut dire que depuis le dépôt de la Charte des valeurs québécoises, les Pauline Marois, Bernard Dréville et Jean-François Lisée démontrent que leurs affinités penchent plus vers la Rhodésie que vers la liberté. Contrairement à l'Académie française qui vient d'intégrer Dany Laferrière, le Québec, sous le plan du racisme, fait encore figure de société distincte. Comme le dit la sagesse créole, c'est quand va qu'à vanter ou qu'à ouek you poule. C'est lorsque le vent souffle qu'on voit le cul de la poule. On va aller joindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, bonjour Philippe, toujours avec madame Tania Lompré, candidate poteau défaite au Parti provincial de lundi dernier dans Viau. Elle a été battue par le libéral David Hurtel. Madame Lompré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors rappelons pour ceux qui ne suivent pas l'actualité que vous êtes la candidate Loose Cannon du PQ. Pourquoi? Parce qu'en boutade, dites-vous, vous avez affirmé sur votre page Facebook qu'on devrait, pendant la campagne, être conséquent avec la Charte et retirer le mot juif dans l'appellation Hôpital juif de Montréal, sans parler du fait qu'un journaliste du Soleil a déterré vos vieux statuts Facebook il y a 2 ans, où vous disiez que Mme Marois devait démissionner, retourner à son jardin. Vous avez dit à mort le PQ est un nid de vipère, les députés piqués sont des moutons suiveux. Mais vous avez dit avoir changé d'idée. Pauline vous a pardonné, même si elle ne se souvient jamais de votre nom. Est-ce que vous pensez, Tania, que le public a été trop dur, que vos adversaires ont été trop durs avec vous? Ben en fait, c'est un scandale d'avoir écrit quelque chose sur Facebook il y a presque 3 ans. Je sais pas c'est quoi la corruption et tous ces trucs-là. Moi, je considère pas que c'est un scandale d'avoir écrit 2-3 niaiseries là, il y a 3 ans. Dans le temps où tout le monde était fâché contre le PQ, on était plusieurs jeunes avoir chialé un peu sur les réseaux partout. Mais oui, on a été un peu méchants. On a dit que j'avais écrit sur les Juifs alors que c'est pas moi qui avais écrit ça. C'est une capture d'écran de quelqu'un d'autre. Puis, voilà, on a dit que j'étais une caquiste, alors que j'avais parlé à la CAQ. Ben voyons, quelle insulte! Mais j'avais parlé à la CAQ pour la rédaction de mon deuxième essai, donc c'était pas du tout dans le but de devenir caquiste. C'était pour 2-3 trucs sur l'éducation, donc j'avais pas du tout l'intention de devenir caquiste. Puis, bon, c'est ça, bref, on a dit aussi que j'étais une vacuité intellectuelle, alors que je suis une fille qui est aux études supérieures, qui a écrit un livre, qui écrit des manuels de translation. Qui enseigne... Moi, je suis certain qu'il n'y a pas de vacuité intellectuelle dans votre cas. De toute façon, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Je veux vous dire, Sonia, que moi, je suis complètement derrière vous. Parce que si on commençait à déterrer les anciens statuts Facebook de tout le monde, on pourrait détruire plusieurs carrières. Par exemple, je me suis prêté au jeu d'aller fouiller dans des anciens sites Facebook pour vous donner l'exemple que je peux ici complètement néantir la carrière de certaines personnes. Fred Savard, vous allez voir, ça va faire mal à sa crédibilité de gars intelligent et mordant. Je savais pas que Fred Savard, à une époque, se comportait sur Facebook comme une adjointe de Chambly. Écoutez bien ça. 29 mars 2009, ménage, virgule, lavage, virgule, épicerie, 3 petits points. C'est pas vrai, Chris. C'est pas vrai, ça. Voyons donc. Je le jure sur la tête de ma mère, publiquement. Puis encore, 9 juillet 2009, plus capable de la pluie. Je le jure. Et un dernier, alors qu'il développait son humour social tout en finesse, 31 mai 2012, si je me mets ton sandwich 12 pouces à 5 pièces dans la gueule, t'arrêtes-tu de la jouer ta crise de chanson de Mongol? Ça, je m'en rappelle, par exemple. Ça, c'est vrai. Bon, à tout de suite, Jean-Philippe. Merci, Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui trouve que 360 000 piastres en fonds publics pour présider la SAQ ben oui. donne une furieuse envie de souder la gueule. Ben oui. C'est de l'argent, ça? C'est beaucoup. Mon Dieu, ben je vais appeler au gouvernement. C'est de même que ça marche, de toute façon. Je vais vous me proposer pour la prochaine. Hey Fred! Oui! Hey, vous écrivez des statuts Facebook, oui? Oui, non, mais il y en a qui étaient pas vrais. Non, je vais profiter de ma chronique. Nous avons eu une discussion animée au bureau cette semaine à propos d'un de nos invités. Je parle bien sûr de Marc Messier, puisqu'on parle peu de Jean-François Lézé. passé au bureau, je dois l'avouer. En fait, la discussion portait à savoir si Marc Messier a eu, oui ou non, une grande carrière. Les avis étaient mitigés. Et je dois dire que j'étais assez seul dans mon coin. Il faut quand même dire que la majorité de mon équipe est composée de membres de la génération Y, une génération inculte sur à peu près tout ce qui sort de son champ de vision. Et je peux vous dire que le champ de vision d'un Y n'est pas très périphérique. Mais en tant que représentant de la génération X, je peux affirmer sans embâche que Marc Messier mérite sa place au panthéon des comédiens, mais malheureusement, ce panthéon n'existe pas. Ah. Au mieux, il pourrait être un immortel de l'UDA, un peu comme l'ami de Philippe Couillard, là, Danny Lafrenière. Mais Marc Messier n'est pas mort. La preuve, il est présentement à l'affiche sur grand écran. J'avoue qu'il y a peu de chances que j'aille voir Il était une fois les Pee-wee Boys 2D. Mais attention, ce n'est pas par snobisme, ni parce que je suis comme l'ami de Marc Cassivi qui ne connaît pas la vulgarité culturelle populaire comme Marie-Mé, Marie Laberge ou les textes de Marc Cassivi, parce qu'il est trop occupé à se masturber les tympans à écouter du Bartok. Non, ce n'est pas moi. Dans mon cas, je ne vais plus au cinéma parce que je trouve que ça cher en catalogue 56$ pour deux places, un popcorn, un thé glacé à saveur de sucre et un sac de Skittles qui, on va se le dire, sont un pâle ersatz des M&M. Mais heureusement, la grande carrière de Marc Messier ne se résume pas aux boys, parce que Marc Messier, pour un homme de ma génération, c'est d'abord Brou. Et pour quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire une génération supérieure, Brou représente la quintessence du succès à la sauce typiquement québécoise. C'est carrément une institution, principalement parce que c'est le premier spectacle que je suis allé voir avec mon argent de poche à 12 ans dans une tentative de m'extirper de l'enfance et de jouer au grand. Mes parents y étaient allés 4 fois et je me disais qu'il était temps moi aussi de goûter à l'humour de taverne. Évidemment, pour un Y, hein, habitué à fréquenter les bars branchés hipster et à uriner dans des toilettes unisexes, le phénomène des tavernes lui échappe sûrement, mais à une certaine époque, la taverne était une institution. Une époque bénie où les hommes ne portaient pas de moustaches fifrelines, des chemises affreuses et des pantalons fuchsia. Mais Marc Messier, c'est aussi le Marc Gagnon de la série L'Ancien Compte, un rôle marquant dans l'univers télévisuel québécois, n'en déplaise à certains bronzés qui souffrent visiblement d'insolation. L'Ancien Compte 1 a révolutionné la télé québécoise à une époque où on se contentait de filmer la famille Jacquemin en train de parler d'émotions dans une cuisine paysanne. Oui! Peut-être aujourd'hui, du haut de notre grande arrogance blasée, on peut dire que L'Ancien Compte est une série moribonde, mais qui dit que La Soirée est encore jeune ne deviendra pas moribonde, elle aussi, dans quelques années? Ouais, hein? Ouais, ben oui. Quand on aura entendu la 16e entrevue de Jean-Sébastien Girard avec Philippe Schnob, ou quand il se sera cloué le scrotum pour une 9e fois, on va peut-être autant s'ennuyer qu'avec un L'Ancien Compte aujourd'hui. Mais Marc Messier n'est pas seulement Marc Gagnon, il est aussi régent dans La Petite Vie, une série qui, pendant ses 2 premières saisons, nous a fait la meilleure comédie déjantée dans toute l'histoire de la télévision québécoise, et qui peut prétendre avoir joué dans une série aussi importante que La Petite Vie dans notre équipe pétrie de cynisme? Personne! Non. À part moi, qui a eu la chance de jouer avec brio l'inspecteur Groslot dans la 2e saison des Rescapés, qui un jour regagnera ses lettres de noblesse et sera considéré à juste titre comme une des meilleures séries cultes de l'histoire récente du Québec. Mais Marc Messier, ce n'est pas seulement régent dans La Petite Vie, c'est aussi Bernard dans Les Voisins. Bernard, j'ai dit Bernard! Un autre classique de la comédie québécoise, une pièce et un rôle que j'ai moi-même joué au cégep dans mon cours de théâtre et qui m'a valu une note de 90 et une mention spéciale de ma professeur qui me suggéra de m'inscrire à l'École nationale de théâtre. Mais malheureusement, à cette époque, je souffrais du même mal que mes collègues de bureau aujourd'hui. J'étais cynique et déjà complaisant envers moi-même. Un mal que j'ai heureusement guéri en grandissant. Une grâce que je leur souhaite de tout cœur. Vraiment, merci Marc Messier de nous avoir offert votre talent. Sachez que parmi cette bande d'illettrés que constituent mes collègues, il y a quelqu'un qui sait reconnaître le talent et cette personne, c'est moi. Et du talent, il y en a un peu dans cette épique, dans cette équipe et cette personne, c'est aussi moi. Oh. Hey, c'était drôle, pour on va en profiter son rare. OK, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Oui, toujours avec Georgetta Lompré ici. Alors, on est revenu, madame, sur vos déboires, mais je pense que pour avoir traversé votre tempête avec autant de panache, sans baisser les bras, sachant très bien que vous alliez perdre dans un château phare, je pense que vous méritez une Christie de belle job au PQ. Oui. Et pour vous récompenser, je pense que Sa Majesté Lisée pourrait vous offrir une nomination partisane. Ça, c'est vrai. C'est clair, parce que je pense, quel job vous aimeriez avoir au sein du PQ, Rosa? J'aime rien qui vous intéresse, là. Député un jour? Ah, député. Merci, Jean-Sébastien. C'est pas sûr qu'on va revenir. Merci. Honnêtement, ça devient très, très lourd. Fred, notre deuxième invité. Il a incarné les personnages les plus marquants de la culture québécoise moderne. C'est un favori du public. Oui. Accueillons M. Marc Messier! Hey! Marc! Ah, bonjour! Bonjour. Là, Philippe, je voudrais dire d'abord que je voudrais le texte que Fred a lu pour le donner à tous les animateurs qui auront quelque chose à me dire d'intelligent et de drôle, si c'est possible. Ben écoute, là, je suis en train de me dire, je ferai pas l'entrevue, je vais laisser Fred. Je vais dire, non, mais j'aimerais mentionner quelque chose. C'est très rare qu'un homme porte du mauve. Et c'est d'autant plus rare que nos deux invités portent du mauve. Je trouve ça extraordinaire. Dans mon cas, c'est une question de lavage. On est vendredi, c'est le temps des fêtes. Exactement. Et M. Lisée, dans votre cas, c'est quoi? Ben, moi, j'ai appelé Marc, savoir où est-ce qu'il en était dans son cycle de lavage. Et je voulais qu'on soit coordonnés ce soir. Ben, je comprends. Je me sens mal d'avoir du brun. Vous venez nous parler du dernier film des Boys. Oui. Bon, la critique n'a pas été capotée, celle de Marc-André Lucier, mais en même temps, il a aimé la vie d'Adèle. Fait que, tu sais, on se pose des questions. Non, mais c'est vrai. C'est à chacun ses Boys. Oui, c'est ça. Bon. Bon, ben, c'est vraiment drôle, cette émission. Écoute, je l'ai écouté parfois comme ça, un peu distraitement, mais je vais l'écouter au complet. Vraiment, c'est très drôle. Ça dépend des invités. Jean-François, ben oui, t'avais jamais réussi à l'écouter au complet. Mais non, mais c'est peut-être qu'il était tombé sur votre émission. Là. Souvent, je suis en fonction le vendredi soir, puis j'ai autre chose à faire qu'écouter à la radio. Pour être... Il y a la balado diffusion, là, c'est très pratique. Ça, c'est ça. Ah, regarde donc, il y a ça. C'est pas une enregistreuse, ça, pour écouter ça. Oui, c'est vrai. Ça marche pas sur 8 tracks, par exemple. Okay. C'est ça qui est maintenant. C'est vraiment très drôle. Mais beaucoup d'humour. Merci. Bon, c'est notre objectif. Hein. Il faut exprès. Hein. C'est un thème dans l'émission, l'humour, le cynisme, l'ironie. Bon, Jean-François, je pense qu'il y a un avion qui vous attend. D'ailleurs, mais des fois, on a l'impression que les invités, qu'on les dérange. Hein. Ben, on est des prétextes. On est des prétextes. Oui, tout à fait. Des faire valoir. Lancer l'humour. Mais il faut savoir être à sa place. C'est exactement ça. Puis en même temps, je vais vous dire quelque chose, M. Messier. Vous avez inspiré toute notre émission parce qu'il y a Fred qui a fait sa chronique. Oui. Je vous le dis, c'est rare qu'il est drôle. Et là, vraiment, pour que ça... Non, mais c'est vrai, on va en profiter. Oui. Là. Et là, vous êtes un sujet très intéressant. Jean-François, c'est plus... C'est un outil. Mais il y a beaucoup d'humour, Jean-François. Ah, ben oui. Franchement, je l'écoutais, je trouve que... Ben, il n'y a pas sa place au ministre des Relations internationales. Il est très articulé, puis il y a beaucoup d'humour. Je me retiens vraiment. Quand je suis ministre, je me retiens. Ben c'est ça. Oui, je sais bien, ça se sent. La charte, vous êtes satisfait de ce projet-là? C'est un contre-emploi. Écoute, tu vois, le problème avec la charte, c'est que ça se prête pas beaucoup à l'humour. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. On trouve ça bien drôle, là. On trouve ça bien drôle. Ici, la charte, honnêtement. On peut-tu enchaîner? Ah oui, OK, parfait. On passe à d'autres choses. Pas facile de trouver un angle avec la charte. Non, pas facile, mais probablement d'ici quelques temps. Ah oui, écoute, ça prend 2-3 semaines, on va être correct. Là. Oh, oui, bon. Mais bon, j'y vais, vas-y. Oui, Jean-Philippe, parle-moi des boys. Parle-moi de... J'ai quelque chose qui... On veut pas t'empêcher de faire ton entrevue comme tu l'as. Non, je sais, il nous reste 2 minutes. Ça va se faire. Oui, mais Jean-François parle pas. Il nous reste 2 minutes à meubler, Marc. Ça va bien. Jean-François. Jean-François, je viens d'entendre l'appel là, pour ton embarquement. Je pense que ça se fait à la porte principale de Radio-Canada. Merci. Non, mais on va parler des boys, parce qu'on parle de citron pressé. C'est ce que Marc-André Lucien... Oui! Marc-André Lucien a parlé du citron pressé. Ah, ça, j'ai trouvé ça... J'ai pas aimé ça, quand même. Vous aimez pas le citron? Ben, j'ai trouvé que... Vous savez quoi? Un petit peu, J'ai fouillé un peu, c'est pas vrai. Mon recherchiste a fouillé un peu. Et il a retrouvé une entrevue que vous avez donnée à Viens voir les comédiens, il y a quelques années, où vous avez déclaré... À propos du film des Boys, je sais pas s'il va y en avoir un quatrième, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour du personnage. C'est maudit parce que le cinquième vient d'être fait, là. Alors, finalement... Mais c'est pas le même personnage. Ah, là, je suis content. Là, je suis content parce que ça s'en allait vers quelque chose. Quand tu me cites, là, je me dis toujours, là, je suis fait. Ah, ben, j'en ai donc. Non, mais c'est pas le même personnage parce que dans ce film-là, je joue le père... De votre personnage. De mon personnage. Oui. Et le personnage s'appelle Denis. Oui. Denis et Chicoine, évidemment. Ben j'ai eu un petit blanc. Non, Denis Chicoine, le père de Bob Chicoine, qui est ce personnage que j'ai joué du mieux que j'ai pu. Et que... Non, mais attendez un peu. Je vous dirais que dans toutes les critiques que j'ai lues, la seule critique positive, c'est votre jeu. Ah oui? Ben oui, dans Le Soleil, on dit que votre jeu vraiment vous donnait de la substance et de l'émotion à ce personnage père de Bob. Alors, c'est quand même quelque chose, là. Ah, écoute, je suis je vous l'enverrai. Je peux pas répondre à ça. Oui, mais... je vous l'enverrai. Je l'ai fait laminer. C'est dans Le Soleil, ça? Oui. Soleil, quel journal! Ouais, ça remonte vraiment, Le Soleil. Est-ce qu'il est distribué à Montréal? Trop peu! Trop peu! On a toujours les mêmes journaux. C'est ça. La presse, le Journal de Montréal. Là, on va se le dire, là, Marc Assivi et Marc-André Lucier. Là. Ouais, regarde, franchement. La vie d'Adèle est autre chose. L'avez-vous vu, la vie d'Adèle? Oui, j'ai aimé ça, moi. Oh boy! Ben non, c'est correct. Chacun. Non, mais c'est intéressant, c'est un film intéressant, mais c'est bon, c'est un rythme, c'est une façon de voir le cinéma, mais écoute, ça, on parlera de ça une autre fois. Ben oui. Parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps. Ben là, écoute, je regarde le temps, je me dis, mon Dieu, c'est à peine si je vais pouvoir lui Let's dire. Let's go, Jean-Philippe, pose-moi attendez une question, un peu, là, je me laisse parce que j'ai trop d'affaires. Il se laisse une question en développement. Ah oui, laisse-toi pas distraire. Ah mon Dieu, lancez compte. Ben non, on a assez parlé de ça. Qu'est-ce qui arrive avec Marc Gagnon cette année? Là, vous avez Marc Gagnon, là je le dis pour ceux que ça intéresse. Non, mais il y a encore plein de monde qui écoute ça. Là, on va tourner le dernier épisode de Lancez Compte. Ben, depuis le temps que le monde nous niaise avec ça. Ouais. Là, quand même, ça va-tu être le vrai dernier? Ben, ça s'appelle le final. Ouais, la finale. Attendez un peu, là. Ça s'appelle la finale. C'est alors ça moi, je me ben dis... ben régent, je pense. Puis avec ce qui se passe... avec ce qui se passe là-dedans... Bon, écoutez, OK. C'est quoi qui se passe? Des décès? Je peux pas... Encore? Il y a des... Encore des décès? Ah, en avion? Il y en a qui finissent pas fort. Oh là là. Ah, là, là, oui, là. Oui, ah, ben là, et... ah, oui, on reste dans le soleil? Non. Bon, ben, on va déjà tout... que faire revivre le hockey à Québec, c'est pas facile. c'est en clair. Partant, là, tu pars avec... Ouais, c'est un sujet de fictif. On est dans la pure ah ouais. fiction. Ça prend des bons comédiens. Ça prend des acteurs, mon ami. On va arrêter parce qu'il n'y aurait plus des bons papiers dans le soleil, ça continue. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Mais Québec est une ville tellement extraordinaire. Comparativement à Montréal, qui se relève d'un knock-out terrible. Ah oui, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Voyant, avez-vous vu la vie d'Adèle? Si j'ai vu oui, la vie d'Adèle. Déjà. Oui, je l'ai vu. Vous, Jean-François? Ben moi, j'avais vu la vie d'Adèle H. Puis je pensais que c'était la version courte, ça que je suis pas allé. Ben, je vous confirme que c'est la version longue. Marc, vous restez avec nous. Hein, nous restons, c'est un fini. Mais, c'est fini. Ben oui, ben oui. C'est aviez-vous quelque chose d'autre à dire? Plaisir. Ben je sais qu'on avait tant. Ben, qu'est-ce que j'avais à dire? Non, on peut vous réinviter. Bon, M. Lizier, on l'a réinvité. Pardon? Ouais. On peut vous réinviter éventuellement parce que M. Lizier, on l'a, c'est la deuxième fois qu'il vient. Ouais. Ah oui? Juste pour vous dire, il y a des bonnes chances. Ah, ben là, vous allez revenir quand même. Ben, Fred, est-ce que tu vas redire le même truc? Oui. ça serait ma seule condition. Et on vous offre un abonnement pour Le Soleil aussi. Un abonnement au soleil et le même texte. Ah, ben là, écoute, je reviens n'importe quand. Ben merci, Marc, mais restez quand même. Je vous ai même pas offert de bière, c'est niaiseux, hein? Ah, c'est pas grave, je ne prends pas en dehors du travail. J'essaye de me limiter à prendre la bière uniquement professionnellement. Ben ça... Mais j'en prends énormément. Mais c'est très professionnel de votre part et je trouve ça, non, franchement, c'est très responsable. Fred! Oui! On a d'autres chroniqueurs. Ben que oui. Si vous voulez, faites-le. Présentez-le. Après 17 semaines d'écoute de Radio Jambon, ses oreilles saignent, les nôtres rigolent. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Oh! Ah, boy. Olivier! Eh bien, l'idée d'Amir Kadir de faire fermer Radio X a continué de faire parler cette semaine. Ben oui. Lise Ravary s'en est d'ailleurs indignée, soutenant que la droite en fait trop peu pour dénoncer Kadir. Il y a toujours quelqu'un à gauche pour fouiller, gratter le fond de ce que disent les gens, supposément les chantres de la droite, mais nous autres, je trouve qu'on va pas assez loin. Mais ça serait quoi aller plus loin? Dire que Québec solidaire est totalitaire? Oh non, ça, ils l'ont déjà fait. Dire qu'Amir Kadir est comme Staline? Oh non, ils l'ont fait aussi. Peut-être terroriste, islamiste, anarcho-tyrannique? Je pense que ça peut être encore cela. Ouais. D'ailleurs, le récent sondage sur la popularité de nos politiciens démontre que Kadir est le deuxième le moins aimé au Québec. Et ça, c'est grâce à Éric Duhaime. On était les premiers, il y a 4-5 ans, à commencer à découvrir le vrai visage d'Amir Kadir. Ouais. Et aujourd'hui, quand je regarde, le sondage à l'envers, puis regarde les gens qui ont les négatifs les plus élevés, il est deuxième. Donc ça en dit beaucoup aussi sur le fait qu'on est capable d'informer le monde et on est capable de déployer les mythes. Et oui, c'est Radio X avec son 1% de part de marché qui a déboulonné le mythe d'Amir Kadir. Les boulons devaient être lousses en maudit. Pour ce qui est du mythe du réchauffement climatique, Jérôme Landry l'a déboulonné en nous expliquant qu'il avait fait moins 94 Celsius en Antarctique et qu'en conséquence, il n'y en avait pas de réchauffement. Mais il a aussi découvert quelque chose de bien plus tragique. T'as-tu vu les images du show de Metallica qu'ils ont donné en Antarctique en fin de semaine? Non. Faisais-tu fret? Il devait faire fret, mais c'est la première fois qu'un groupe aura joué sur les 7 continents. Mais je vais mettre le lien. Sont-tu rendus en verdeur, eux autres, ou quoi, là? Notez l'inquiétude dans sa voix. Hey. En plus, Metallica est pressenti pour faire le spectacle d'ouverture du Colisée de Québec. Un groupe d'enverdeurs dans un Colisée payé avec nos taxes, les radios de Québec vont capoter. D'autre part, Dominique Moret et Joanne Marcotte s'inquiétaient qu'il n'y ait aucune personne de qualité pour remplacer le ministre Marceau chez les députés du PQ en y allant d'une belle image. Il n'y a vraiment personne d'autre, à moins qu'aller chercher Pierre-Carl Péladeau, c'est pas. ça, c'est comme quand tu joues au Scrabble et tu piges juste des consonnes, hein? Tu vas pas loin, hein? C'est une belle image. Effectivement. Oh boy. Non, c'est ça. Fait que tu fais pas de mots, tu passes ton tour. Oui, c'est ça. Juste des V et des Y. Tu sais, c'est ça, là, pour les gens qui connaissent un peu. Et pour les gens qui connaissent un peu l'alphabet, le Y, ce n'est pas une consonne. Les joueurs de Scrabble seront toutefois heureux d'apprendre que Jean Lapierre a inventé un nouveau mot. Deux firmes de sondage à peu près avec le même genre d'échantillage. Échantillage. Ça, là, c'est comme un mélange d'échantillonnage et d'enfantillage, ce qui s'applique assez bien à la méthodologie de Crop quand on y pense. Sinon, on apprenait mercredi que Patrice Demers, le directeur général de Radio X, quittait la station. Lui qui, on va quand même y donner ça, aura réussi à monter une radio qui pogne en maudit. Pas pour rien que, comme le dit Stéphane Dupont, il y avait dans la station une atmosphère... Une atmosphère de mal à l'aise. Oui, parce que, dans le fond, comme l'explique Denis Gravel, c'est pas n'importe qui, Patrice Demers. Moi, je le compare à Steve Jobs pour Apple. Bon, vous allez dire qu'il exagère, mais n'oubliez pas que dans leur univers parallèle, Amir Kadir est Staline. Alors, c'est bien normal que Patrice Demers soit Steve Jobs. Bon, certains ont dit que c'est Radio X Montréal qui aura coulé Demers. Pourtant, Stéphane Gendron nous prouve qu'il s'y fait de la maudite bonne radio en osant régurgiter tout haut ce que tout le monde pense tout bas au sujet des saumons d'Anticosti. Les saumons, là, s'il faut qu'ils crèvent pour qu'on développe du pétrole puis qu'on se mette un peu de dette en arrière de la cravate, ben moi, je m'entorche des saumons qui crèvent toute la gang à l'île d'Anticosti. Le climat, la surpêche, le tourisme, le braconnage, on s'en sortira jamais. Alors moi, les saumons, là, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent tout aller se faire baiser, les saumons. Hey, dire qu'on s'indignait qu'il écrase des petits minous avec son char, bon, faut dire qu'un saumon, c'est moins cute qu'un petit minou, là. Et les habitants d'Anticosti, eux, sont pas super cute non plus. Alors, les gens, là, de Port-Meunier, si la nappe phréatique est scrappée, ben qu'on la scrappe, toute la gang. Qu'on prenne ce monde-là, qu'on les déménage sur le continent. Puis s'il y a de l'argent à faire avec l'île d'Anticosti, ben qu'on fasse comme les sables bitumineux. Qu'on te scrappe toute cette île-là au complet. Hey, les saumons, les habitants, toute l'île d'Anticosti, on va être dans au vidange. Ne va rester que le pétrole et une légère atmosphère de mal à l'aise alléguée à nos enfants. Merci, Olivier. Oh! Ah ben, vous avez tous su, hein, les changements à Post-Canada ont inquiété beaucoup de gens et c'est pourquoi on a cru bon d'envoyer notre reporter sur place. On l'écoute. Montréal aux petites heures du matin. L'air froid fouette le visage de Hamed Shranoun qui dépose à peine quelques lettres dans son grand sac. Non, ce qu'il enfile n'est pas une vulgaire veste de Père Noël de centre d'achat, mais bien son manteau de Post-Canada. Le jeune Canadien d'origine iranienne est facteur, un métier aussi démodé qu'arracheur de dents à Téhéran. Son secteur Ville-Saint-Laurent, un quartier où les trous dans la chaussée lui rappellent le chemin de son village Sabzevar, où un jeune sur quatre ne sait pas lire comme ici. Autrefois, il y avait du challenge dans son métier. On pouvait tomber sur une lettre piégée à l'anthrax ou un colis du FLQ. Mais aujourd'hui, tel Ron Jeremy, sa sacoche rétrécit sans défi. En ce temps des fêtes qui approche, un homme visiblement âgé lui offre un verre de gin et du ragoût de pâte pour le remercier de son bon travail. Le vieillard tient dans ses mains un pot de cheese whiz et dit s'appeler Monsieur Caron. Hamid le remercie, mais doit refuser au nom d'Allah qui dicte chacun de ses pas. Soudain, trois portes plus loin, Hamid glisse dans un escalier glacé comme le regard de Bachar al-Assad. Son dos atterrit lourdement sur le pavé comme une pierre lancée par le Hezbollah en direction d'Israël. Étendu par terre, il pense au jour qui approche où il n'aura plus à passer de porte à porte comme les témoins de Jéhovah. Non, ce n'est pas une bonne journée pour Hamid, qui se dit que bientôt son fardeau sera fini et qu'il pourra rentrer à Téhéran pour devenir arracheur de dents. Mahmoud Ashrafi, Ville-Saint-Laurent, pour Reporter sans visière. Oh. Présentez-nous le dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire se penche cette semaine sur les flips et les flops politiques. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Ah! Ah! Monsieur Cipriani. Bon. C'est vrai que c'est mauve, hein? C'est, oui, ça, ben oui. Oui, d'ailleurs, c'est comme si Grosse Douceur avait maigri. Ah, les bonnes blagues comme ça, c'est le samedi, fun. Vous savez. Jean-Philippe, premièrement, vous avez des beaux pantalons de hipster. Hey, merci. Et, merci de me les avoir prêtés. Hein? Ça me fait plaisir. Mon Dieu, ça va le bas cette semaine. Avez-vous été surpris de la nomination de Dominique Poirier à New York, vous? Plutôt, oui. Nous autres, à l'Assemblée nationale, on avait parié sur Philippe Femiou, en fait. C'était plus Jet Set. Vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui, ben, Philippe, hein? C'est pour ça, ah, okay, ouais, mais c'est Jet Set, Party New York. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'Assemblée, on dit que Jacques Duchesneau prépare une conférence de presse où il va faire un lien douteux entre les Hells Angels et la consommation de quinoa de Mme Poirier à l'après-midi porte conseil. Ah oui? Et M. Truc serait dans le coup aussi. Ah alors. Oui? Mais bon, ça fait quand même un dossier de régler. Celui de M. Boisclair aussi a été shippé dans le Nord. Visiblement, il n'y a pas que le Canada qui est un corps étranger qu'il faut éloigner loin, loin, loin. Hein? Oui, c'est ça. Mais là, la session est terminée. Monsieur Élisée est en vacances. Ben, ou oui, presque, en tout cas. Presque. C'est quoi le bilan de l'année politique? Bien, 2013, ça a été l'année des flip-flops. Et par flip-flop, je parle pas ici des gougounes portées par Amir Kadir avec des bas blancs, non. Non, c'est vrai. Je parle de cette tendance qu'on appelait auparavant girouette à l'Assemblée nationale avant que le méchant Michel Bissonnette l'interdise en 2007. Et je lui en veux encore pour ça. Et pour ça, je vais rappeler qu'il a remplacé Frank Zampino comme élu à Montréal. Hein? Ah oui, hein? Ah oui. Girouette fait donc partie des propos non parlementaires. La liste s'est pas grayée de nouveaux mots depuis le 14 février 2012, au jour de la Saint-Valentin. Ah. Mon cœur de chroniqueur est blessé. Ben oui. Mais n'en déplaise à l'Académie française et à son nouveau membre, Danny Lafrenière. Oui. On l'a ça, déjà fait, celle-là. Oui, je sais, mais. Pourquoi, c'est pas grave. Pourquoi vous pensez qu'il a écrit Lafrenière? Parce que c'est le maudit autocorrect qui se mêle quand t'as le numéro du patron de l'UPAC qui revient tout le temps dans tes contacts. C'est ça. Ah, donc, et Danny Laferrière, nous voici passés de girouette à flip-flop, soit cette propension à la volte-face a changé d'idée après en avoir défendu une. Et depuis que Don McPherson de la Gazette a surnommé Philippe Couillard flip-flop, flip-flop, disons que ça lui colle à la peau, hein, contre l'interdiction du chat d'or, mais après pour le déficit zéro, ensuite contre, ensuite pour l'assurance autonomie, ensuite contre. Moi, l'avoir eu comme neurochirurgien, là, j'aurais peur un peu. Oui, c'est un petit stressant quand même. Mais est-ce que ça va changer quelque chose qui soit à l'Assemblée nationale finalement? Ben, il y a beaucoup de légitimité, hein, parce qu'il a été élu dans un comté difficile, Outremont, circonscription qui est tellement difficile qu'il ne veut plus jamais se présenter là. Non, c'est ça. Oubliez-le pas. Puis vous le savez, les Québécois attendent depuis longtemps un leader avec du charisme. Aye. Tandis que Philippe Couillard, lui, il veut être un chef cérébral, un fédéraliste de raison, ou comme M. Élisée le dirait, un esprit saint dans un corps étranger. Alors, si Philippe Couillard était Pierre-Éliott Trudeau, il dirait probablement « Just don't watch me ». Mais c'est pas le seul à changer d'idée quand même. Il y a Christine Saint-Pierre qui se promenait avec un macaron pour un prix plancher sur les livres. Ouais. Et puis quand le gouvernement l'a annoncé, oups, elle a changé d'idée. Le PQ aussi, contre les sables bitumineux, oups, pour Enbridge. La CAQ aussi à gauche, à droite, fédéraliste, souverainiste, unijambiste, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais est-ce que vous avez des solutions à proposer? Parce que... Une seule, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut ramener les détecteurs de mensonges. Ah! Oui. Les trois affirmations de Mme Marois. J'ai aboli la taxe santé. J'ai renforcé la loi 101. J'ai atteint l'équilibre budgétaire. Oups, ah, Madame Marois. Ça prend des vérifications. Il fallait un seul mensonge. Ah, okay, les trois affirmations de M. Couillard. Je suis pour l'équilibre budgétaire cette année. Je suis contre l'équilibre budgétaire cette année. Et je m'ennuie de l'Arabie Saoudite. Oups, Monsieur Couillard. Fallait moi être au moins un mensonge. Et les trois affirmations de François Legault, la CAQ va gagner en 2014, mon livre sera un best-seller en 2014 et Jacques Chenou va se représenter aux prochaines élections. Oups! Monsieur Legault va vous expliquer le jeu un petit peu plus tard. Et comme le disait si bien Confucius, à Chardonnay, on regarde pas le bide. Oh, merci! C'est déjà terminé pour cette émission. Ne manquez pas dans quelques minutes la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Alex Courteau. Un gros merci à nos invités de ce soir. Jean-François Lézé, vous partez en voyage, là? Oui. Où? Ben, je vais rejoindre Mme Marois à Bruxelles. Arrêtez, on va parler de libre-échange. Ah oui? Et puis ensuite, c'est très dur cette mission. Je vais à Milan parler d'économie et à Rome. où je vais essayer de voir le pape Francis. Pour, ah oui, vous allez voir la personnalité de l'année, vous n'y pas que ça. Francis, ouais, écoute, c'était pas mon premier choix, mais maintenant qu'il est sur la couverture de Time. Ah ben je sais bien, il faut connaître les bonnes personnes. Dans Marc Messier, on vous regarde dans Lance et Compte, les boys, toute la vérité, on va voir Brou et dans à peu près tous les autres projets que vous avez. Hein. Oui, ben c'était pas mal fait. Oui, non, mais j'espère bien ça aurait été bête pour les autres qui veulent travailler. Ben oui, c'est ça. Non, je sais. Mais merci, on vous réinvite très bientôt. Et si vous tripez ma rate sur l'émission, réécoutez-nous en balado et c'est disponible évidemment sur iTunes. Venez assister à l'enregistrement. Ça se fait les vendredis à 16h. Envoyez-nous un courriel, on vous réserve des places. La semaine prochaine, nos invités Pierre Huet, Daniel Essard, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!